À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sengun par le général Kim Jong-il, les meetings et séances de films ont eu lieu en Myanmar et en Pologne, les séminaires au Bangladesh et en Espagne, les conférences, expositions de photos et séances de films en Hongrie, au Nigeria, en Slovénie et en Algérie. Dans la salle d'exposition de photos étaient exposées les photos montrant les exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, et les photos qui présentent la Corée du Sud. Aux séances de film, on a projeté les documentaires coréens comme La maison natale à l'ancien consecré du Mont Baektu. Aux cérémonies, ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes.